Veux-tu m'accorder une danse? Au moins le temps d'une chanson. C'est bien toi mon évidence, ma plus belle sensation. Laisse-moi t'approcher sans négocier. Je sens qu'entre nous le courant passe. Je veux te connaître et pour être honnête, j'ai rarement eu ce genre de magie. Et c'est plus fort que moi, tu brilles même dans le noir. Je n'arrive même pas à voir les autres. Mais est-ce que toi tu me vois? Est-ce que toi tu me crois? Quand je te dis que cette nuit c'est la nôtre, veux-tu m'accorder une danse? Au moins le temps d'une chanson. C'est bien toi mon sensation. Veux-tu m'accorder une danse? Au moins le temps d'une chanson. C'est bien toi mon évidence, ma plus belle sensation. Je dois te dire, j'ai comme une envie de poser mes lèvres sur les tiennes. Fais-moi voler, fais-moi décoller. J'ai fait mes bagages, fais-moi quitter la terre. Et c'est plus fort que moi, tu brilles même dans le noir. Les lumières illuminent ton corps. Est-ce que toi tu me vois comme moi je te vois? Acceptes-tu de m'offrir ton cœur? Veux-tu m'accorder une danse? Au moins le temps d'une chanson. C'est bien toi mon évidence, ma plus belle sensation. Veux-tu m'accorder une danse? Au moins le temps d'une chanson. C'est bien toi mon évidence, ma plus belle sensation. Sensation.